Les vœux que nous fîmes sur la pelouse du plus splendide chant du Tchéchir gisent flétris par ta main. En vain tentai-je de les ranimer. Notre amour fut un ruisseau tendre, mais maintenant que tu trouves fastidieux l'extase que nous partagions, c'est un puits noyant souvenir et gémissement. La moitié du monde s'est obscurci et l'autre a brillé depuis ton départ. 10 ans d'émotion virginale ne sont qu'un adieu abrupt. Nos vœux sur l'herbe d'un paisible champ du Tchéchir. De me réjouir à nouveau et mourir.